Déjanté sur ton corps animal. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extravale et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal. Dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui. Et pendant que le lit croise l'aéropostale, tu me dis reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Et je suis comme un cobaye, qu'est-ce qui fait toute la taille? Arrache mon armure dans un geste un peu lourd. En me disant reviens maintenant je te connais. Tu me rappelles mes amants rue Barré à Hambourg. Quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête. Avec le cœur naufrage au bout des mares de nuit. Et tu me dis reviens je suis ton jour de fête. Reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Et je suis comme un cobaye, qu'est-ce qui fait toute sa taille? Nos cœurs de cannibales. Dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare. Le rouge de nos viandes sur le noir sidéral. Le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs. Et je te dis reviens maintenant c'est mon tour. De t'offrir le voyage pour les Galapagos. Et je te dis reviens on s'en va mon amour. Recoller du soleil sur nos ailes d'albatros. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Et je suis comme un cobaye, qu'est-ce qui fait toute sa taille? Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Et je suis comme un cobaye, qu'est-ce qui fait toute sa taille?